puis Skip. Et dit Phil, c'est d'établir la dualité entre ajustable et souhait. Ça, ça complique les choses. Ouais. OK, laisse-moi parler de ce point-là. Vous allez en arriver à un point où il n'y en aura plus de dualité entre l'ajusteur et vous autres. Puis quand il n'y a plus de dualité entre toi et l'ajusteur, c'est là que tu es réellement intelligent. Et le seul moment où il y a de la dualité entre toi et l'ajusteur, c'est quand il te parle dans ta tête à toi, pour ton propre, ta propre conversation personnelle. Mais aussitôt que tu fonctionnes dans le monde, il n'est plus supposé être là. C'est un. C'est là que ça fait. Là, il descend. Ouais. Ouais. Comme moi, là, je titre, là, je vous parle, là. Je suis pas capable de parler. Comment j'essaierai, je suis pas capable. Ça, l'énergie, elle descend, là, puis ça sort par ici. Là, tout à l'heure, je m'en vais, mais j'arrête, là. Lui, il va dire, bon, je suis content, ça a été une bonne soirée. Papa, il va jaser. Papa, papa. C'est vrai? Fait que là, je suis pas intéressé à parler avec lui. Je suis intéressé à parler à vous autres. Fait que là, ça descend. Puis dans les premiers temps, quand tu commences à parler, ben, oui, il y a quelqu'un qui est toujours intelligent. D'abord, parce que ça sort. Moi, je trouve que ça sort par la parole. C'est quasiment comme ça que tu le connais, cet intelligent. Et oh, ça, c'est bon que je vais aider. Parce que tu vois le fitness de la parole. Puis quand tu le dis, ton mental intérieur, là, il vibre les premières fois. Je dis, ça coule pas. Là, que vous voyez, t'as vibré, tu sais. Quand t'as fait vibrer ton enfant mental intérieur, ben, ça porte pas à être trop, tu sais. Ou bien non, ça reste sur ton mental, sur le plan émotif, la même chose. Parce que quand t'aimes quelqu'un, puis t'es intelligent, tu dis ce que tu dis. L'autre, ça se peut bien qu'ils soient pas intelligents, mais quand tu commences à te préoccuper de l'autre, sur le plan mental, mon Dieu, j'ai intérêt, tu sais. Je m'entends parler, puis je dis, ta barouette, par exemple, un matin, j'ai dit à quelqu'un, ton problème, t'es jaloux comme un pigeon de ta femme, ta barouette, toi, quand tu es bébé, j'ai vu blâmer le coussin, tu sais. Là, c'est la résonance de ta vibration que j'ai reçue, puis j'écoutais tout. C'est comme ça qu'on t'ajuste les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on ajuste ta parole. Mais quand t'es intelligent, ça fit. Pas. Il n'y a pas de part avec les gens. Non, puis c'est jamais de nos affaires. Non. Pis ça arrive de façon spontanée. Parce que c'est subtil, tes affaires. Tu parles le matin. T'sais, bien subtil. Une journée, il y a un couple qui vient me voir à un séminaire. Il y avait des problèmes de sexualité. Là, je leur ai parlé de leur sexualité pendant 10 minutes de temps. Je savais que dans leur chambre. La bonne femme à venant rouge, jaune, le bonhomme sa peau se met. Mais moi, là, qui est la partie de soi-même qui peut faire interférence avec la lumière, l'astral, il n'était pas là. Fait que je continue. Naturellement, ça crée des chocs. Quand ça, je rebalance là, je dis, imaginez-vous pas que je m'en vais dans l'astral dans votre chambre pour voir le soir, parce que c'est du monde qui pense que je me remets dans le métro. Moi, ouais. Mais là, tu fais du travail. Parce que là, ça va être clair, ça va être clair, ça va être clair. Mais aussitôt que tu te mets là-dedans, puis tu veux pas déranger trop, puis tu veux pas, tu sais, c'est là que tu coupes. Tu peux pas confondre. Ah, tu peux pas prostituer les vibrations de l'individu. Non. Seulement foutre des reins solides, parce qu'éventuellement, elle passe, puis elle te met sur le spot. Mm-hmm. Oui. Mais il y a du monde, par exemple, qui pense qu'ils parlent dans l'intelligence, qui pense que les filles des autres, ils ne sont pas dans l'intelligence. Ils sont dans l'énergie de l'intelligence, mais l'intelligence n'est pas ajustée encore. Ils sont dans l'énergie de l'intelligence, mais l'intelligence n'est pas ajustée parce que l'intelligence, quand elle est ajustée, là, écoutez bien ça, écoutez bien ça. L'intelligence, quand elle est ajustée, elle est parfaite. Et quand elle est parfaite, elle ne détruit rien pour construire quelque chose. Elle détruit simplement pour ne laisser rien en arrière. Pour que le quelque chose qui doit être construit se construise par lui-même. Il n'y a pas de lien. Jamais. Jamais. Jamais. Mais là, c'est parce qu'ils ne sont pas ajustés encore à leur intelligence. Bon. Et ça, ça fait partie de cette vibration. D'être